J'étais sorti de mon pays, séparé de tout ce que j'aimais. Tu m'as promis les bénédictions, mais voici à tes pieds, à tes pieds. Séparé de mon neveu Lot, j'attends le fils comme promis. Seigneur, écoute-moi. Mais un jour je te rencontrais. Tu m'as dit que fils désormais tu seras pêcheur d'homme. Mais il fallait que tu changes. Mon ancien que je devienne se fasse pour que je voie ta gloire. Avec mon frère Esaü, je cherche la bénédiction. Je voulais prendre le droit d'aînesse, mais j'étais un menteur. Mais toute la nuit j'ai à combattre. Tu as changé ma façon de voir et tu as changé mon nom. Avant de voir. J'étais sur mon chemin vers Damas, quand tout à coup moi je croisais la lumière de Dieu Jésus-Christ. Alors je fus troublé. Mais avant que je prêche la parole, les dieux de mes pères Jéhovah, il a changé mon nom. Toi qui veux que Dieu te bénisse, as-tu déjà ton nom changé? Car les noms c'est aussi la nature, cherche le royaume des cieux. Et toutes tes choses te seront données. Par le nom de Jésus-Christ, change ton nom. Ma gloire.